Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça roule ma poule. Ouais, faut voir. Ma nuit ne fut pas line, mais au bas mot, j'ai cassé la baraque. Et du coup, j'ai la frite. Enfin, passons. Quel est notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Ah, c'est du grand, c'est du lourd ! C'est le dossier Epsilon 008. Mais encore, professeur Mauduit, je ne vous ai pas compris. Mais écoutez, professeur Colin, je vous le fais en trois briques. Vous êtes prêts ? Attention, képi. Ben, 314. Oui, non mais bon. Deuxième brique, DS. DS ? DSK, Dominique Strauss-Kahn. Mais non, écoutez, Dominique, quand il veut. Colombet. De Gaulle ? Charles de Gaulle ? Attendez, non, pas ça, professeur Mauduit. C'est la croix de Lorraine et la bannière de Bigorre comme dossier, ça. Mais non, vous allez voir, il est passionnant, mon général. Ouais, enfin bon. Allons-y, alors, étudions le dossier de ce redoutable patient, professeur Mauduit. Maniez-vous, bande de biffins ! Apportez au labo le dossier du général ! Allez, de Gaulle, à table ! On dit que j'ai des exigences. On pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Oui, bon bah, calmez-vous, général. Ok, vous ne regrettez rien, et pourtant, y a un petit passif quand même, hein. Et la mission du ministère psychique, justement, consiste ce matin à trifouiller votre architecture mentale dans l'espoir, bien entendu, de dévoiler ici ce qui se planque derrière votre bel uniforme tiré à quatre épingles. Un dossier particulièrement abscon, n'est-ce pas ? D'ailleurs, le professeur Mauduit va nous exposer immédiatement les étranges symptômes qui nous intriguent chez le général de Gaulle. Mais oui, qu'est-ce qui nous turlupine chez de Gaulle ? Eh bien, professeur Colin, c'est ce syndrome évident de schizophrénie christique, bien sûr. Vous savez, par exemple, que Jésus a son crucifix, eh bien, de Gaulle a sa croix de Lorraine. Vous n'ignorez point non plus que le Fils de Dieu nous a promis la vie après la mort. Eh bien, le général nous a refourgué une certaine idée de la France éternelle. Le Seigneur serait venu racheter les péchés du monde. Eh bien, de Gaulle, lui, s'est cru sur la voie du salut. Et comme chacun sait, le Christ portait la barbe. Eh bien, là encore... Et c'est vous qui avez fabriqué les perruques pour Marilyn Monroe ? Non, non. Non. En revanche, j'ai travaillé pour le général de Gaulle. Il voulait changer de personnalité. J'ai fait un très joli boucrou. Un quoi ? Pardon ? Un très joli boucrou. Un bouc ? Un boucrou ? Oui, un boucrou. Il voulait changer de personnalité et finalement... Non, il ne s'en est jamais servi, je crois. Non, ah, j'ai pas vu. Parce qu'on s'en souviendrait, hein, forcément. Oui. Oui. Eh oui, forcément. Enfin bon, pour approfondir la troublante psyché messianique gaullienne, nous allons tenter ce matin d'établir ensemble un diagnostic non négociable pour savoir si oui ou non les méandres psychologiques du patient de Gaulle peuvent encore s'avérer dangereux pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre curieuse séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte le son, mon ami, et soyez les bienvenus. C'est la panique, et faites connaissance avec cette patiente siphonée symphonique du ministère psychique. Is all right, uptight, out of sight. Baby, everything is all right, uptight, clean out of sight. I'm a poor man's daughter from a across the railroad tracks. Only suit I own is hanging on my back. But I've got my choice of every single guy, since I'm the apple of my baby's eye. When we go out stepping on the town for a while, my spirit is low and my clothes out of style. But it's all right if my clothes aren't new, out of sight, because my heart is true. He says, baby, baby, everything is all right, uptight, out of sight. It's all right, uptight, out of sight, baby. Everything is all right, it's uptight, out of sight. Baby, everything is all right, uptight, out of sight. Baby, everything is all right, uptight, out of sight. Baby, baby. Uptight. C'était Nancy Wilson, pas tendu du tout pour reprendre Stevie Wonder. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé. Avant tout, le ministère psychique souscrit totalement à la magie mentale du vénérable professeur Antonin Artaud, qui nous offre ce matin une bien belle réflexion introductive à notre séance du jour, consacrée au cas clinique d'un étrange patient bi-étoilé, à savoir le général Charles de Gaulle. Et pour commencer nos investigations, le ministère psychique a recherché dans les expériences de vie du grand Charles tout ce qui pouvait dénoter de dérives psychiques profondes. Oui, mon ami, quelle est la construction de l'architecture mentale du général ? Vaste objet d'étude et cas clinique difficile pour le ministère psychique. Car la question, c'est bien sûr d'essayer de comprendre comment un homme comme Charles de Gaulle, omniprésent en France même après sa mort, a su éviter la pipolisation de la vie politique. Et oui, pourquoi n'a-t-on jamais vu de photos volées du général en compagnie de son épouse Yvonne, main dans la main, en vacances en Égypte ? Ou alors, pourquoi ne l'a-t-on pas vu torse nu dans Paris Match en train de pagayer sur une barque ? Eh bien, le ministère psychique pense que les réponses sont à chercher dans le séjour britannique du général de Gaulle entre 1940 et 1944. Tout d'abord, en arrivant à Londres, Charles de Gaulle n'était pas un ennemi des médias. Bien au contraire, il ne les fuyait pas, aux grandes dames d'ailleurs, des autorités pétainistes. Vous vous rendez compte le bordel qui va nous mettre, l'autre cinglé avec sa radio ? Faut arrêter ça tout de suite ! Voulez-vous que j'y fasse ? En tout cas, démerdez-vous. J'ai téléphoné au préfet. Il m'a promis pour demain une équipe de spécialistes radio. Si je tombe, vous tombez avec moi. Ah ben ouais, on avait du mal à l'avaler ça, ce déballage radiophonique. Sauf que De Gaulle, il a très vite expliqué aux équipes de la BBC que bon, d'accord, il veut bien qu'on parle de lui, mais pas de sa vie privée, hein. Et surtout pas d'Yvonne, qui doit rester une simple ménagère. Dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère. Ah, c'est votre dame. Elle fait très distinguée, chef. Elle veut avoir un aspirateur, veut avoir un frigidaire. C'est une femme d'intérieur, c'est tout. Elle veut avoir une machine à laver. Ça, c'est vrai aussi, ça. Et même, si c'est possible, veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Comme à l'hôtel, quoi. Ben oui. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts. Eh ben moi... Ma bonne femme, c'est tout le contraire. C'est une femme d'extérieur. que les garçons mettent les pieds sur la table. Il faut que je sois rentré le soir avant 11h et que je mette les patins. Ça là-dessus, elle est terrible. Ben oui, pour le parquet. Et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. Oh merde, tout le temps patin. Moi, ça me montera la tête, pas vous, chef. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Ah bah, tu vois. Ah bah, tu vois. De Gaulle, il veut garder tout le temps son épouse en patin pour ne pas rayer le parquet. Et pareil pour la France. Pourtant, la discrétion gaullienne sur la vie privée n'est pas en complète adéquation avec ses activités professionnelles. De Gaulle attirait les résistants venus en Angleterre combattre l'Allemagne nazie et ses alliés pétainistes. Mais s'approcher du discret général, ce n'était pas simple. Et le mieux pour rentrer dans les réseaux gaulliens, c'était encore de zoner dans les pubs fréquentés par les Français réfugiés à London. Et toi aussi, t'en es ? T'en es aussi ? Ben oui, ça se voit pas ? Ben non. On va aller là-bas, ouais, on n'entend rien. Ouais. Hein ? Par contre, toi, tu n'as vraiment pas l'air d'en être. Ben, à vrai dire, j'en suis pas depuis longtemps. En fait, j'en suis pas encore, tu vois ? Mais je suis venu ici pour essayer d'en être, mais je sais pas comment m'y prendre. Non, mais c'est facile d'apprendre, ça. On peut s'en occuper. Ah bon ? Ah ouais, ben c'est sympa, ouais. Parce que moi, au départ, j'ai pas eu l'idée tout seul, on m'a un peu forcé la main. Ah oui, d'accord. Mais maintenant, tu n'as rien contre ? Ah non, je suis même plutôt pour. Mais seulement, je suis pas un actif, quoi. Passif, c'est bien aussi, non ? Laisser faire les choses, laisser agir les autres. Ouais. Ça m'arrangerait, moi, ouais. Remarquez, je suis pas maladroit, hein. Je peux rendre des services. Mais enfin, organiser quand on n'a pas l'habitude, quoi. Ne t'inquiète pas, on peut tout organiser pour toi. Oui, ça serait bien, ouais. C'est sympa. On danse ? Ben, je veux bien. Viens. Mais la danse, c'est bien connu, révèle notre inconscient à travers tous ces gestes étranges et ces mouvements du corps que provoque la transe musicale. Et pour éviter cela, le général de Gaulle a dû toute sa vie dissimuler aux yeux du grand public ses grandes qualités de danseur qu'il ne dévoilait qu'à Tantivonne. Et oui, pour vivre heureux, on veut rester discret chez les de Gaulle. Ainsi, à Londres, sous le Blitz, Charles de Gaulle, quand il veut aller s'encanailler, il le fait discrètement, accompagné seulement du fidèle Michel Debré. Et il aime ça, Michel. J'y vais avec De Gaulle et toute la journée. Je pêche avec De Gaulle pour remplir les paniers. Ce n'est pas toujours drôle pour surprendre les truites. Surtout qu'avec De Gaulle, on leur fait peur tout de suite. Ah ben ouais, une petite truite de temps en temps, c'est mignon et ça ne dit pas son nom. Que la vie est difficile quand on est celui qui a dit non, celui qui incarne la résistance, qui traverse le monde pour rallier les hommes libres à sa cause et qui, quand il revient, se retrouve face à Yvonne. Charles, est-ce que tu m'en veux ? De quoi ? T'as pas eu peur que je te trompe pendant que t'étais là-bas ? Oh, tu vois, je crois même que j'y ai jamais pensé. Ça te fait rire ? Je pense aux fois d'avant. Ah, ça, je t'ai souvent emmerdé avec mes crises de jalousie. Mais dans le fond, je m'aperçois que je t'ai toujours fait confiance. La confiance dans les gens vient quand ils prennent de l'âge. Pourquoi tu dis ça ? Je te retrouve comme je t'ai quitté. Enfin, presque. Bon, ben, je vais me changer, puis tu pourras balancer ces fringues, là, parce que je les ai assez vues. T'en fais pas ! Je connais un petit retraité qui est pas superstitieux. Un petit retraité, c'est l'image que l'on n'a jamais eue du général de Gaulle, qui fut toujours actif et qui s'arrangea avec la mort pour que sa retraite dure le moins longtemps possible. Ainsi donc, le séjour londonien de Charles de Gaulle nous dévoile certains symptômes inquiétants de son comportement psychique. Et comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que la pathomimie de Charles de Gaulle est réellement dangereuse pour notre société du bling-bling. Et pour éviter toute erreur clinique, Le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi, ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Très bien. Professeur Colin, vous m'avez donc demandé ce matin d'étudier de rechef le dossier de l'adjudant-chef. Non, du capitaine non plus, du général de Gaulle, dont acte. Et pour mieux comprendre ce grand homme, il m'a semblé nécessaire d'utiliser la colossale notion nietzschéenne de surhomme, qui se dit en allemand « Übermensch » et en anglais « Superman ». Rien à voir avec Christopher Reeve et encore moins avec un autre grand homme, le grand homme Thomas Mann, qui est grand car perché sur sa montagne magique. Alors, bien sûr, professeur Colin, vous allez me dire que pour mieux comprendre De Gaulle, il y avait sans doute mieux que la notion teutonne de surhomme. Oui, mais professeur Colin, vous savez comment est Nietzsche, cette petite fourbasse toujours jalouse, et quand on ne parle pas de son surhomme, et ben cette teigne, elle vocifère, et elle gueule. Hegel, qui de son côté développe dans son ouvrage « La raison et l'histoire », l'idée que le grand homme conduit le peuple dans la construction de son histoire. Alors, De Gaulle est-il un surhomme au sens nietzschéen? Oh bien, sans doute pas, non. En revanche, De Gaulle entre facilement dans la catégorie des hommes qui furent perçus comme providentiels à un moment donné. En 1940, bien entendu, quand De Gaulle est un électron libre qui dit non. En 1958 aussi, avec la mise en place de la 5ème République, quand De Gaulle, électron libre, face à l'atome de président Cotillon, envoie valser la 4ème République. Oui, d'accord. Le 4 octobre dernier, nous pouvions commémorer la mise en place de cette 5ème République il y a tout juste 50 ans, mais alors ça, personne ne l'a fait. Ah non, tout le monde s'en fout. C'est étonnant, hein. On pouvait s'attendre à un peu d'agitation de la part de Jean-Louis Debré, le fils de Michel, un des artisans principaux de la Constitution de 1958, mais rien. On pouvait imaginer que l'actuel président du Conseil constitutionnel aurait imposé une petite fiesta de Bré ou de force pour fêter la France à papa. Rien, non rien. C'est à se demander si De Gaulle fut vraiment un homme providentiel. Eh bien, dans la construction de l'image du grand homme à la sauce du 19e siècle, on lui trouve tous les attributs. C'est un valeureux guerrier qui sauve la patrie dans une période dramatique. Et l'historien Maurice Agulon a bien montré comment se construit le mythe gaullien, auquel d'ailleurs s'est opposé très tôt François Mitterrand dans son pamphlet « Le coup d'État permanent ». Et pourtant, il devait savoir, Mitterrand, que paradoxalement, les pamphlets alimentent plus qu'ils ne desservent les mythes. Et d'ailleurs, contre les mythes, le mieux, c'est la naphtaline. Alors, d'ailleurs, mon général, est-il toujours dans la naphtaline? On a tous repéré qu'à intervalles réguliers, surtout quand une petite dose de légitimité symbolique se fait ressentir, porter les habits de De Gaulle, ça le fait. Ah oui, bah le problème c'est que le grand Charles, il mesurait 1m92, alors en ce moment, c'est compliqué tout d'un coup. C'est un peu comme si Mimi Mati avait piqué une robe à Laurence Boccolini, comme si Petrucciani avait tiré un costume à Elvis en fin de carrière, ou bien comme si la geste du surhomme était remplacée par l'agitation du bonhomme. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient, troubles dysmorphobiques évidents. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera donc à trifouiller les déviances comportementales qu'a pu développer sous la chaleur à l'envers notre patient De Gaulle. Sous la chaleur à l'envers, je n'existe que pour d'autres pères. Je laisse les miens sans d'autres peines que quelques chagrins dans les veines. Kids are swinging out. Kids are swinging out in heaven. Et les gosses dansent au paradis. I'm leaving home without a sight. Torn apart by different fights. I'm kids are swinging out in heaven. Kids are swinging out in heaven. Kids, ce sont les mômes de Joseph d'Anvers. Mais ce matin, c'est Quid de Charles de Gaulle. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Avant tout, quelle image avons-nous de la personnalité du général de Gaulle ? Eh bien, celle d'un apôtre de la rigueur, du courage et du labeur, bien sûr. De Gaulle, c'est l'homme de l'honneur et de la discipline. Ouais. Heureusement que le ministère psychique est là pour fouiller un peu tout ce bazar, histoire de percer les mystères de la psyché refoulée chez notre patient. Car figure-toi que nous avons découvert que la psyché gaulienne enfouie, justement, nous révèle que le grand Charles ne fut en réalité qu'un provocateur tendance branleur. Si, si. Alors certes, sa vie durant face aux responsabilités qui furent les siennes, de Gaulle a bien tenté de dissimuler au mieux cet aspect curieux de sa personnalité. Seulement voilà, à plusieurs moments clés de son existence, le naturel a repris le dessus et grâce à nos recherches pointues, nous allons te prouver ce que nous avançons ici. Le premier exemple de surgissement de cet étrange inconscient refoulé date de mars 1937. Jusqu'alors, sous la pression morale de son milieu social, de Gaulle avait réussi à contenir cette face obscure. Mais en mars 1937, donc, il vient d'être nommé colonel et tout fier de ses 5 barrettes sur l'épaulette, il commence à grave déconner lors d'une réception officielle à la préfecture de Metz, ville où il est à la tête du 507e régiment de cuirassiers. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ? De la marijuana. Vous en voulez ? Oh non, merci. Excellent. Certainement pas. Je n'aurais jamais cru qu'on fumait ainsi dans l'armée. La marijuana, vous savez, ce n'est rien. Non, mais c'est un premier pas vers des choses plus graves. J'ai horreur des drogués. La marijuana n'est pas une drogue. Et d'ailleurs, rappelez-vous, pendant la guerre de 1914, on obligeait les soldats français à boire 3 litres de vin par jour. Non, je crois que vous exagérez, monseigneur. Mais nullement. Et malgré ces 3 litres de vin, il y avait encore beaucoup de fuyards. Ces malheureux étaient reçus à coups de mitrailleuse par les gendarmes français. Il y a eu des centaines de morts. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais pourtant, c'est bien connu, c'est historique. On dit même que ça s'est passé à Verdun. Eh oui, ces 5 barrettes de colonel, il les fumait, de Gaulle. Et du coup, Charleston. D'ailleurs, plus tard, à Londres, en 1940, chacun sait que, devenu général, il fut surnommé l'homme des 18 juin. Et à ce propos, lorsque les alliés décidèrent de confier à notre général le choix du poème devant annoncer aux résistants français le jour du débarquement, eh bien, ces problèmes de drogue, justement, ont bien gonflé le général Eisenhower, tant l'esprit déconneur du grand Charles prenait des proportions hallucinantes. J'ai trouvé le poème. C'est un extrait très célèbre. Arthur Rimbaud, le bateau ivre. Je lis. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots. Oui, de Gaulle. Oui, c'est très beau, de Gaulle. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous choque, de Gaulle, dans ce poème secret et codé? Il n'y a rien qui vous choque? Non, mon cher ami, je ne vois rien de choquant dans ce poème. Je vais vous dire ce qui ne va pas, de Gaulle. C'est très beau, mais ça ne rime pas. Et effectivement, mon cher ami, autant pour moi, effectivement, ça ne rime pas. Mais enfin, de Gaulle, on vous demande un poème codé. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il faut un poème qui ne parle surtout pas de traversée maritime? de flot, et encore moins d'Angleterre et de Normandie. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, De Gaulle ? Oui, mon cher ami, je vous ai compris. Bon, son esprit frondeur et moqueur a tout de même permis à De Gaulle de s'opposer à la France moisie de Vichy et de devenir la figure du héros libérateur que l'on sait. Cela dit, une fois l'autorité républicaine restaurée sur le territoire national, De Gaulle s'emmerdait à nouveau sévère face au régime des partis. Mais une décennie plus tard, la 4e République, embourbée dans ses sombres affaires, réclame l'aide salvatrice du général. Et là, tout le monde pense que De Gaulle a taffé comme un malade, changement de régime constitutionnel, élection du président de la République au suffrage universel et tout le bordel. Ouais. Enfin, à scruter d'un peu plus près la psyché refoulée du général, faut quand même constater avec quel manfoutisme De Gaulle a géré les dossiers, hein. Mon général, quelle responsabilité exacte attribuez-vous tant au gouvernement marocain qu'au gouvernement français dans la disparition de Mehdi Ben Barka, et quelles conséquences diplomatiques, politiques, administratives entendez-vous en tirer? Voilà une question complète à laquelle je m'en vais répondre complètement. Y a-t-il d'autres questions? Bon, Philippe Vianney, Nouvel Observateur. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de donner au peuple français, au moment où vous sollicitiez ses suffrages pour l'élection présidentielle, les informations qui lui auraient permis de juger l'action de votre gouvernement dans l'affaire Ben Barka, informations que la presse que vous critiquiez tout à l'heure a dû tenter seule de reconstituer? C'est l'effet de mon inexpérience. Au moins, ça faisait marrer tout le monde, hein? Quel gros déconneur, ce De Gaulle, n'est-ce pas? Et vois-tu, même quand ça a commencé à chauffer sévère avec les canailles de 68ards, là, le général ne s'est jamais affolé. Oui, Charles était habité par l'esprit du Rasta, de son pote Malraux. Le pays était au bord de la guerre civile, mais sais-tu ce qu'il a raconté au général Massu lorsqu'ils se sont rencontrés en secret à Baden-Baden le 29 mai 1968. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ah ben ouais, hein. Mais c'est tout De Gaulle, ça. À la cool, limite, on sort la ganja et on se roule un spliff, quoi. Je ne te raconte pas la tronche du général Massu. Enfin bon, forcément, ce caractère de rebelle refoulé ne pouvait rester impuni. Et c'est lors de son ultime voyage que Charles de Gaulle est tombé sur un os. Car s'il nous a tous bernés en nous faisant gober qu'il était l'incarnation de l'ordre et de l'autorité, en revanche, il est impossible, bien entendu, d'arnaquer Dieu le Père. Comme chacun sait, Dieu est omniscient. Du coup, imagine l'accueil qu'a réservé Dieu lui-même à ce petit insolent de De Gaulle le 9 novembre 1970. Alors, c'est ça. Le gate, là. Monsieur, je fais peur à tout le monde. Dis-moi, c'est un grand honneur que tu nous fais en venant ici. J'espère qu'on sera sans montrer digne. Hein? Dehors, t'étais peut-être une star, une vedette, un kate. Mais ici, t'es rien du tout. T'es qu'un petit figurant. Y a qu'un chef ici. Et c'est moi. Alors les règles du jeu sont claires. Ou tu te tiens peinard et tout se passera très bien, ou tu fais le malin. Mais là, je vais te pourrir ta vie. Et tu peux me faire confiance parce qu'il te pourrir la vie des gens, c'est mon métier. Ainsi, en Dieu, Charles a enfin trouvé plus fort que lui dans le registre de l'oisiveté camouflée derrière l'autorité. Et depuis 38 piges, crois-moi qu'il ne moufte plus. Alors maintenant, afin d'approfondir nos traditionnelles théories sur le refoulé psychologique de nos patients, nous avons demandé à l'interne psychédélique du ministère psychique, mademoiselle Claire-Sophie Collet, de mener une enquête un peu plus pointue sur les hypothétiques zones d'ombre psychique chez De Gaulle. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses conclusions sur le refoulé gaullien. L'interne, pointez-vous au labo, hop! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Lille, 22 novembre 1890. Naissance de Charles de Gaulle. Fils de bourgeois monarchiste, ses parents lui inculquent une éducation religieuse et conservatrice. Même si son destin semble tout tracé, Charlie espère secrètement faire carrière dans un tout autre domaine que la sphère militaire. Je ne veux pas que la honte couvre ma famille. Tu ne joues plus au football. Bah oui, c'est évident. Quand je vous dis De Gaulle, vous pensez forcément football, du coup. Et contraint et forcé par sa famille, Charles entre finalement à Saint-Cyr en 1908. Et là, surprise pour Charlie, les instructeurs militaires préparent les Bleus à la revanche contre l'équipe d'Allemagne. L'enjeu du match est énorme, récupérer l'Alsace-Lorraine. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. La victoire au bout du pied. 1916, De Gaulle est blessé à la cuisse. Il rejoint le banc de touche. Mais sa niaque de percer dans le milieu du football est intacte. Et en 1921, il intègre le 33e régiment d'infanterie d'Arras sous les ordres du colonel Pétain. Sois mon allié et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. Mais ce que De Gaulle demande plus que tout à son supérieur, c'est coacher des hommes. Tu m'avais dit que tu me confierais une équipe. Je pourrais les mener à la victoire comme les diables. Tu crois pouvoir entraîner une équipe? Mais tu avais dit que je pourrais avoir... J'ai peut-être dit ça, mais je l'ai sûrement dit pour blaguer. 1931. Attaché au secrétariat national de la défense, il en profite pour penser stratégie, technique d'attaque et élaborer moult plans de défense. Surtout que la première Coupe du monde de football vient d'être organisée et que Charles ne compte pas rater la prochaine. Faire valoir la force de la nation française sur le plan international, ça, c'est son truc. Je suis venu pour inscrire mon équipe pour la Coupe. Ce sont des champions, ça se voit. J'ai hâte de les voir jouer. J'accepte leur inscription. Ni une ni deux, Charles entraîne ses hommes pour les prochaines qualifs. Je suis en train de tester l'équipe. Si vous n'arrivez pas à tenir le coup, c'est pas la peine de tenter la Coupe. Une vraie compétition, c'est comme une guerre. Ouais, mais bon, Charles s'est peut-être un peu trop enflammé, parce que justement, ben, en 40, quel que soit le terrain, c'est pas vraiment la gagne pour les Français. C'est chez nous, ici. On vient de perdre, parce que notre ligne n'a pas été foutue de bloquer une pression côté opposé sur une protection maximale. C'est la débâcle pour les Français. Dans la foulée, De Gaulle s'exile au pays du football. Dès son retour à Paris le 26 août 1944, comme tout vainqueur, il remonte les Champs-Élysées. Ah, je vous félicite, mon cher président, mon cher ami. Ça me fait plaisir de vous voir et puis de vous féliciter pour vos deux buts magnifiques. La preuve est là. Deux buts, De Gaulle. Mais après cette carrière d'entraîneur bien remplie, De Gaulle va flinguer son image de coach à la fin des années 50 en participant à l'un des pires matchs de sa vie à l'extérieur. Ce fut France-Algérie. En meneur pitoyable, les résultats furent désastreux. Pourtant, les sponsors continuent à croire dans les chances de l'équipe de France. Hansaplast, Saint-Ol, Tricostéril, Paume Camol, Upsa, la Croix-Rouge, Norwich Union et les pompes funèbres générales vous ont présenté l'équipe bancale de football. That's the radio. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne insolente du ministère psychique pour son point de vue contradictoire sur le refoulé a priori footballistique donc de notre patient Charles de Gaulle. Mais bon, poursuivons notre analyse et nous allons constater, le temps d'une courte pause de musicothérapie, qu'en réalité, même en cours de route, la psyché gaulienne, ça nous coûte. Même si un jour en cours de route, il devient sans que ça lui coûte expert dans les langues vivantes. Même si de tout leur corps assonne, les peuples chantent quand il entonne les Marseillaises francophones. Même si en payant nos impôts, nous lui disons que c'est trop peu, comme s'il nous faisait un cadeau français, je fais ce que je veux. Même si nous trouvons la vie belle avec la valeur ajoutée par la taxe qu'il faut payer du 1er janvier à Noël, il ignore. ignorera l'euphorie, ne verra pas la fille en rose, parce qu'il rêve d'autre chose depuis qu'il s'appelle Charlie. Être une heure seulement, être une heure quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, bon pour tous les cons à la fois. Même si un jour le paradis, il n'en serait pas trop surpris, demandait à ses tempes blanches quelques conseils pour l'au-delà, pour que grâce à lui, comme en bas là-haut, ce soit toujours dimanche. Même si on l'appelait Dieu le Père, et que son nom dans l'annuaire, ouais, cette gueule fit et Dieu vous garde, même si un jour, sans que ça tarde, on lui procurait un sérum, lui donnant l'éternelle vie, pour pouvoir gouverner les hommes, il sait quand même que chaque nuit, il voudrait que le paradis, les anges, les saints ou Lucifer, réalisent le rêve que naguère il faisait quand il s'appelait Charlie. Être une heure seulement, être une heure dans chaque septennat, être une heure, rien qu'une heure durant, bon pour tous ces cons à la fois. Charlie, c'était la formidable Suzanne Gabriello, une schizophrène de Jacques Brel. Et maintenant à l'asile. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Électrochoc, insulinochoc, lobotomie, le grand jeu, quoi. Alors, après avoir trifouillé les différentes aspérités refoulées chez le patient Charles de Gaulle, passons immédiatement à la propagation contemporaine des syndromes gaulliens. Oui, mon ami, où se planquent les dérivés psychotiques hérités de notre redoutable patient? Car vois-tu, un tel monument patrimonial n'a pu que provoquer une contagion de ses propres névroses. Et pour commencer, comme d'habitude, nous avons soumis son dossier à une analyse critique inspirée du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En effet, un spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, M. Yvan Beaujelet, a tenté d'expertiser les influences de la psyché du général de Gaulle dans les pratiques politiques qui ont suivi sa mort. Professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons comment les névroses gaulliennes ont curieusement influencé la gauche de l'échiquier politique français. L'expert jungien, pointez-vous au labo! Analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. J'ai parcouru pratiquement tous les dossiers et j'étais extrêmement surpris de voir que des patients se comportaient de façon incontestablement normale. Quelles sont nos chances si on fonce? Si on fonce où ça? Droit devant, en plein dans leur tronche? Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. On sait même pas combien ils sont. Ah oui, mais nous, on est 3, enfin 2,5. Alors s'ils sont 10, on est cuit. Ces dossiers sont très incomplets, vous savez. Ils ne donnent qu'une très faible idée des psychoses évolutives. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris... libéré. Je pense que Paris bouge, Paris innove depuis 6 ans. Et à la fin de l'année, 20 000 vélos en libre-service. Ça va un peu trop vite pour moi. C'est un élément de plus pour être libre de se déplacer dans une zone dense. Par moments, il est étonnamment calme et, j'ose le dire, lucide. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Et à d'autres, il redevient un fou furieux. Vive le Québec libre! Sur ses affinités avec le Québec... Je ne peux rien dire. C'est secret. Voilà ce qu'a répondu la candidate socialiste. Elles sont conformes aux valeurs qui nous sont communes. C'est quoi? L'a pas compris. C'est-à-dire la souveraineté et la liberté du Québec. L'a pas compris. L'a pas compris. C'est le phénomène psychique le plus stupéfiant que j'ai jamais vu. Je vous ai compris! Je mesure le poids de l'histoire. Je sais sa rigueur. Ce qui s'est passé ici. Sa grandeur. Je vois. Seule la communauté nationale entière. Ce que vous avez voulu faire pour répondre aux exigences du temps présent. Moi, De Gaulle, j'agirai avec résolution à cela pour que dans la fidélité à mes engagements, j'ouvre elle la trouve porte le chemin de la réconciliation nécessaire. C'est une technique totalement différente. Oui, selon notre expert jungien, la gauche socialiste, à sa manière bien sûr, s'est beaucoup inspirée des troubles psychiques du général de Gaulle, notamment François Mitterrand, qui après avoir tant vilipendé le dictateur permanent a finalement développé un mimétisme gaullien évident. Cela dit, nous allons rapidement constater que la psyché du général rencontre quelques difficultés aujourd'hui à exister. L'héritage du grand Charles est de plus en plus malmené. Le dernier cas de gaullisme aigu recensé, c'est président Chirac, bien sûr. D'ailleurs, lorsqu'en 2006, Nicolas Sarkozy lui révéla qu'il voulait devenir président de la République, Chirac fut formidablement gaulliste. Vous savez qu'il y a des hommes qu'on peut acheter avec une enveloppe ou un bout de Légion d'honneur. Moi, vous avez essayé de m'avoir par la vanité. Toi, vous venez de faire est ignoble. Enfin, monsieur le président, permettez-moi de vous demander quelques explications. Vous venez d'être de la plus grande lâcheté, celle de l'esprit. Et c'est pour ça que je ne vous laisserai jamais prendre le pouvoir. Parce que c'est une saloperie de venir au pouvoir sans avoir une conviction à y appliquer. Je ne serai pas le premier. Pourquoi disiez-vous tout à l'heure que j'étais un gouvernant possible? En tout cas, pas plus mal qu'un autre. Pas plus mal qu'un autre. Décidément, vous êtes plus ambitieux pour vous que pour votre pays. Voilà tout ce que vous lui souhaitez. Un homme pas plus mal qu'un autre. Quand on a cette ambition-là, on ouvre un bazar. On ne gouverne pas une nation. Oui. Enfin, depuis, les choses ont un peu changé et les névroses gaullistes ont du plomb dans l'aile, attaquées de toutes parts, y compris par leur propre famille. Du coup, le grand Charles subit les assauts malgré lui. Vous les avez tous entendus. Grossier, clinquant, superficiel, frivole, bling-bling. On dit même que je suis fou. Vous les avez tous reconnus. On m'accuse, et ça c'est très grave, d'avoir désacralisé la fonction présidentielle. Leur voix dénigrante sur tous les sujets. C'est quoi mon job? J'ai juste été élu pour dépoussiérer un vieux machin qui sent le moisi et qui s'appelle la République française. Leurs promesses distribuées à toutes les catégories. Mais qui dit ça? Une coalition de perdants, la Loose Academy, un ramassis de ringards et de has-been, de pauvres cons, quoi. Ce sont les voix, les promesses, les appels des anciens partis tendant, quoi qu'ils puissent prétendre, à retrouver le régime d'antan. Et puis on sort les grands mots. Monarchie élective, pouvoir personnel, la République en danger. Aussi le seul point sur lequel s'accorde leur passion, c'est mon départ. Elle est en train de finir sous vos yeux l'époque où on disait « Le prestige du chef réside dans son mystère ». C'était de qui, ça, déjà? De Gaulle, il me semble bien. Cela dit, rien n'est perdu pour les vertus gaulliennes, puisque la relève semble finalement ressurgir d'un maquis, le Marais Poitevin. Si j'étais gêné, j'avais des étoiles, non d'un petit caporal, on danserait toute la journée dans la chambrée. Si j'étais général, si j'étais général, j'aurais pour moi le soutien de l'armée française. Je maintiendrais, croyez-moi, le moral du soldat, et les petits gars seraient tous amoureux de moi. Oui, c'est vrai que Madame Royale n'est pas si loin de la psyché gaullienne. L'appel au drapeau, les références christiques, le Québec libre évidemment et l'encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Le problème c'est que là aussi tout fout le camp puisque les conceptions martiales du général sont à nouveau bafouées. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi de vous voir. C'est très gentil de votre part. Je vous demande mesdames et messieurs de me poser les questions que vous voudrez. Je suis le chasseur de la Guéronnière. J'ai été incorporé à quoi? Une semaine. Et j'avoue qu'il y a deux, trois petites choses dont j'aimerais vous entretenir. Suivant la tradition, je tâcherai de répondre. Oui, d'abord un truc tout bête, c'est la tenue que vous nous faites porter. Et qui est très sport, hein, j'en conviens. Mais alors, la couleur. Qui s'est occupé du choix de la couleur? Et alors, Kaki, vous n'avez pas tapé dans ce cadre pur le viseur. Qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes? On va se demander un petit verre bouteille, ce sera plus avenant. Il faut le progrès, il faut pas la pagaille. Non, c'est pas le principal but, je sais. Mais ça peut être un plus pour le moral des troupes. Il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Pardon? Hein? Vous allez m'offrir une chambre individuelle? Et comment ça s'appelle? Le Newf. Ça sonne bien. La vie est là, simple et tranquille. Bon, bah écoutez, je pars de ce parlement. Passez-me voir à l'occasion. Passez-me voir à l'occasion. C'est un peu l'appel au secours du gaullisme d'aujourd'hui en plein désarroi. Néanmoins, rassure-toi, car si tu as aimé le général, si tu regrettes sa disparition, et si tu voulais une France de papa sur le retour, en gros, si t'es Charles Pasqua ou Marielle Gottschel, eh bien, figure-toi que nous avons ça en stock. Oui, la propagation post-mortem des névroses de l'échalas au képi s'est répandue jusque dans nos propres murs. C'est ainsi qu'au ministère psychique, nous avons quelques tarés qui se prennent pour le général de Gaulle. D'ailleurs, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici « long corps chétif », t'offre ce petit présent. Il est réellement de plus en plus dingue, mais c'est la tradition. Les balades ont la parole. Ouais, je vous présente aujourd'hui mon copain Charlie. Vas-y Charlie, lève-toi, fais ton showman et ouvre les vannes. Moi, général Charlie, j'en appelle aux forces vives de la cantine pour qu'on mange des pizzas. C'est bien Charlie, tu rentres en résistance. Moi, général Charlie, j'en ai marre de la soupe tous les jours, les patates outragées, les carottes brisées, les poireaux martyrisés. Vive les légumes libérés et place aux pizzas. Ça va, Charlie, rassieds-toi maintenant, on a entendu ton appel. Et tiens, on t'a compris, mon Charlie, regarde, tu t'es assis sur ton képi, on dirait une pizza. Tu peux attaquer la visière, je vais te chercher de l'huile pimentée. Mais t'en mets pas trop, hein, après t'es excité, tu fais des trous dans les murs avec ta perceuse. Trop con. C'était Top les Birds. Allez, top là, puisqu'il est temps maintenant de confronter le patient à notre redoutable diagnostic différentiel de sa personnalité. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et durant cette séance, le ministère psychique a constaté à quel point M. de Gaulle reste aujourd'hui encore un personnage bicéphale, à la fois celui du non de 1940 et qui sauva à l'honneur de la France, mais aussi celui de 1958 avec la 5e République. Alors justement, ce coup d'État qui fut dénoncé violemment puis revêtu allègrement par François Mitterrand, a incrusté dans la République le mythe du sauveur et de l'homme providentiel. De temps en temps, on me dit ou on me fait dire « Ben oui, vous êtes là, c'est fort gentil à mon égard, et par conséquent, bien, mais après vous, ce sera la pagaille. » Alors, quelques-uns suggèrent que l'on institue la pagaille tout de suite.